Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, c'est Julien Blangras. Je vais vous raconter la vie secrète de Doudou Lapin. Mon nom est Lapin, Doudou Lapin. Vous l'avez compris, je suis une peluche. J'appartiens à un petit garçon. Il a 6 ans et il s'appelle Arthur. On se connaît depuis sa naissance. On a fait les 400 coups ensemble. Je dors avec lui tous les soirs. Je l'aime très fort et lui aussi, il m'aime très fort. Oh, c'est vrai que parfois il me maltraite. Il me secoue dans tous les sens et il s'amuse à faire des nœuds avec mes oreilles. Essayez de faire des nœuds avec vos oreilles, vous verrez. C'est pas si marrant. Mais Arthur, c'est quand même mon meilleur ami. Nous sommes inséparables. Il me l'a dit l'autre jour en me serrant dans ses bras. Doudou Lapin, je ne te quitterai jamais. Bon, je sais bien que ce n'est pas vrai. Il le pense quand il le dit, mais il va grandir. Et un jour, il aura un âge où on ne s'intéresse plus aux doudous. C'est sûr, à tous les coups. Sinon, tous les adultes auraient des doudous. Et les adultes, vous avez remarqué ? Ils n'ont pas de doudou. Ou alors, ils ont des doudous en cachette et ils ne s'en vantent pas. Moi, je suis un doudou un peu particulier. Comme vous l'avez constaté, je suis un lapin qui parle. Je peux raconter des histoires dans les podcasts. Je vous le dis à vous, mais normalement, les humains ne le savent pas. C'est notre petit secret. Ne le répétez à personne. Je dois dire que j'ai plutôt la belle vie. Quand Arthur est à l'école et que ses parents vont au travail, j'ai l'appartement pour moi tout seul et j'en profite bien. Je mange des bonbons, je regarde des dessins animés en mettant les pieds sur le canapé. Il n'y a personne pour me dire que c'est le dernier épisode. On n'est pas bien là, paisible, à la fraîche, décontracté durable. Bref, je suis pépouze. Mais parfois, je m'ennuie tout seul toute la journée et je suis impatient de voir Arthur rentrer à la maison. Comme tous les doudous, j'ai une vie assez monotone. Alors, j'adore quand Arthur m'emmène à ses soirées pyjama chez ses copains Marius ou Madeleine. J'adore aussi quand on part en balade au parc. Parfois, il m'installe sur le guidon de son vélo et on fonce comme des foufous dans la descente. J'entends son papa qui lui demande de freiner. Il a peur que son fils tombe, c'est normal. Mais Arthur, il assure, il ne tombe jamais. Si je vous raconte ça, c'est qu'il m'est arrivé une histoire extraordinaire qui a changé ma vie de doudou. Un jour, au parc, alors qu'Arthur pédalait sur son vélo, je suis tombé de la poche de son blouson. Et il ne s'en est pas rendu compte. Je l'ai vu partir, au loin, avec ses parents. C'était la fin de l'après-midi. J'étais par terre, tout seul, abandonné. La nuit est tombée, les gardiens ont fermé le parc. Il faisait noir et j'avais peur. Je suis un lapin d'intérieur, moi. Je n'ai jamais vécu dans la nature. En plus, il faisait froid. J'étais pétrifié et les heures défilaient. Défilaient. Défilaient. Qu'est-ce que j'allais devenir ? Soudain, j'ai entendu du bruit derrière moi. Puis une voix. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je ne voyais rien. On dirait que tu n'es pas du coin. J'ai aperçu une paire d'yeux brillantes qui s'approchaient. Alors, comment tu t'appelles, mon joli ? Je m'appelle Lapin. Doudou Lapin. Moi, je m'appelle Alice. C'était une lapine. Une doudou lapine. Tu as l'air perdu, mon lapin. Allez, ne reste pas là. Viens avec moi. Je suis parti avec elle. Je sais bien qu'il ne faut pas suivre les inconnus, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Elle a traversé un bosquet et elle s'est engouffrée dans un terrier situé au pied d'un grand chêne. Nous avons descendu des marches, avancé dans des galeries, pour finalement parvenir à une immense grotte souterraine. Et là, je n'en ai pas cru mes yeux de lapin. Il y avait de la musique à fond, une piste de danse, des boules à facettes, des ballons et des confettis. C'était une fête. Et quelle fête, mes amis ! La grotte était noire de monde. Des ours, des canards, des lions, des éléphants, des ornithorynques et beaucoup d'autres. « C'est le rendez-vous nocturne des doudous », m'a expliqué Alice. « On a bien le droit de s'amuser, nous aussi. Quand les enfants dorment, on se retrouve ici pour passer du bon temps. Allez, viens, on va boire un jus de carotte. » Il y avait là plein de doudous que je connaissais. Winnie, Paddington, Ted et un lapin blanc avec une horloge qui courait dans tous les sens. Et aussi un tigre nommé Hobbs qui passait des disques dans la cabine du DJ. Alice était vraiment sympa. Elle me présentait à tous ses copains et elle m'a même proposé de l'herbe. Ça tombait bien, j'étais affamé. Nous avons discuté un long moment, puis ça a été son tour de passer de la musique. Alice s'est installée dans la cabine du DJ et elle a joué des super chansons qui donnaient sacrément envie de remuer les oreilles. C'était une animatrice hors pair pour mettre l'ambiance. Je veux voir tout le monde mes pattes en l'air! Toutes les peluches ont levé les pattes en criant de joie. Sauf la peluche ornithorynque qui galérait un peu avec ses petites pattes palmées. J'ai dansé avec tous les autres et je n'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce qu'on s'amusait ! Quand j'étais fatigué, j'allais au bar et je m'envoyais un bon vieux jus de carotte. Oh là là là là ! Si Arthur voyait ça ! Quand Alice est revenue me voir, on a pris un autre verre et on a encore dansé sous les boules à facettes. Elle était vraiment merveilleuse, gentille, talentueuse et si belle avec son poil tout soyeux. Je me sentais comme un lapin crétin devant cette lapine divine. Mon cœur battait très fort. C'est alors qu'elle a pris ma patte dans la sienne et qu'elle m'a fait un bisou sur le museau. J'avais la tête qui tournait à cause du bonheur et des jus de carottes. J'ai fermé les yeux et elle a murmuré à mon oreille. J'espère qu'on se reverra, mon beau doudou. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans la grotte. J'étais revenu au parc, là où j'étais tombé du vélo. Alice et les autres doudous avaient disparu. Le jour venait de se lever, ils avaient dû retourner dans leur maison pour retrouver les enfants. Mais qu'est-ce que j'allais faire maintenant ? Je ne savais pas comment rentrer. Et Arthur ? Il devait se faire du souci pour moi. En plus, j'avais super mal à la tête. Soudain, quelqu'un a crié. « Là, je le vois !» J'ai reconnu la voix. C'était celle du papa d'Arthur. Il était venu à ma rescousse. Eh ben purée, on a eu chaud. Hein. Le drame, si on l'avait pas retrouvé. Mon pauvre doudou, tu es tout sale. Où est-ce que tu as bien pu aller te fourrer ? Je ne lui ai pas répondu, évidemment. Les humains n'ont pas le droit de connaître l'emplacement de la grotte des doudous. Nous sommes rentrés à la maison. Devant la porte, j'ai entendu Arthur qui se lamentait. « J'ai perdu mon doudou lapin !» Quand on a passé la porte et qu'il m'a vu, Arthur a explosé de joie et il m'a serré si fort dans ses bras qu'il a failli m'étouffer. Moi aussi, j'étais très heureux de le voir. Mais il me faisait sauter en l'air et j'ai bien failli vomir tous mes jus de carottes. On m'a ensuite mis dans la machine à laver. J'ai tourné dans l'eau savonneuse pendant une heure. Ça piquait les yeux, mais après je sentais bon. Et Arthur m'a encore fait plein de câlins. Tout est bien qui finit bien. J'ai retrouvé ma maison et mon meilleur ami. Le soir, je m'endors avec lui et je ne suis plus inquiet pour l'avenir. Quand Arthur grandira et qu'il ne s'intéressera plus à moi, je sais ce que je ferai. Je retournerai au parc, dans la grotte secrète des doudous. Car là, je sais que quelqu'un m'attendra. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit, les petits lapins.